Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois pour la deuxième fois une autrice de notre belle région en la personne de Noëlla Cali. Bonjour Noëlla. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir pour la deuxième fois. C'est votre deuxième passage dans Caprice de lecture. Oui. On s'était vu il y a 2 ans. C'est ça. Et puis, je sais que vous avez un agenda très rempli parce que vous êtes sur beaucoup de salons. Oui, effectivement. Vous écrivez beaucoup. Oui. Et du coup, on est là aujourd'hui donc pour votre petit dernier. qui change de... On va changer un petit peu de registre, mais on en parlera après. Oui. Donc sachez que c'est un grand honneur pour moi de vous recevoir dans les studios de Fadjet pour beaucoup. Caprice de lecture. Merci. Alors, comme d'habitude, il y aura 5 questions qui vous sont exclusivement dédiées. On va bien sûr parler donc, de ce conte qui s'appelle Le Perroquet, si je ne me trompe pas. Pas. Tout à fait. Parfait, super. Et puis, on va parler un petit peu de vous, votre actualité. Oui. Et puis, vous aurez peut-être envie de rajouter des choses. Voilà, donc, on y va tout doucement. Alors, d'accord. Noëlla, vous êtes à la tête de 18 livres. C'est mon 18e qui va sortir. Voilà, là. Je suis enchantée en plus. Et puis, très admirative. 18 livres, ça me paraît... c'est un travail de chaque instant. Et vous revenez donc avec un nouveau livre qui est plutôt un conte, qui s'appelle Le Perroquet, qui s'adresse à mon sens, à tous les publics, qui peut être un conte intergénérationnel. Mmh. Alors pourquoi un petit peu ce changement de cap dans votre parcours d'autrice ? Alors, disons que je fais partie d'une association qui s'appelle Plume, et nous avons organisé donc des nouvelles... Oui. Tous ensemble, 16 auteurs se sont proposés pour écrire différentes nouvelles. Okay. Et il se fait que moi, j'ai pensé à écrire Le Perroquet. Et moi, j'ai retiré Le Perroquet de ce livre, entre guillemets, bien sûr, et je l'ai enregistré pour la jeunesse et pour toutes les personnes de tout âge. Quoi, c'est vrai que quand on le lit, ça pourrait paraître presque un peu simpliste, même si ce n'est pas le bon terme. Hein. Oui. Mais dans le fond, en fait, moi, je pouvais même imaginer en lisant un grand-père ou une grand-mère qui partage cette histoire avec son petit enfant ou un parent avec son enfant. C'est tout à fait ça. Et du coup, c'est chouette parce que c'est un livre aussi qui peut traverser les générations. Oui. Oui. Alors, justement, c'est ma deuxième question. Ce perroquet éprouve des sentiments humains. Alors, je ne vais pas dévoiler évidemment toute l'intrigue du livre. Et la petite fille qui s'appelle Marie éprouve aussi des sentiments. Donc, on a plusieurs types de sentiments parce qu'on y aborde l'attachement, la perte, l'affection, l'amour, la reconnaissance aussi, j'ai trouvé un peu. Et du coup, tous ces thèmes, en plus, ils sont bien découpés dans le conte. Comment ça vous vient d'écrire ça avec ces thématiques très fortes quand même ? Alors, c'est extrêmement simple. C'est ma personnalité. C'est vous. C'est moi. D'accord. C'est ce que je ressens, c'est que ce que je perçois au fond de moi-même. Ouais. Et il m'est facile de l'écrire sur papier. Et vous tout faites ça, mais avec aisance. Naturel, c'est incroyable. Enfin, avec aisance, oui. Parce qu'ici, on a quand même beaucoup d'auteurs qui passent dans Caprice de lecture et il y en a qui me racontent, mais c'est... Ils se torturent l'esprit et mettent du temps. Et vous, on a l'impression que c'est vraiment... c'est dans vos gènes, quoi. C'est naturel. Ah, ça, c'est super. C'est naturel. Parce que ça paraît vraiment authentique, en plus, quand vous décrivez ces sentiments. Oh, c'est merveilleux. Donc, c'est vraiment c'est beau, chouette. Ça. Ouais, oui, c'est vraiment authentique. Alors, on va faire une première coupure musicale, donc avec un morceau de votre choix, de Jean-Claude Borelli, El Silencio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux auditeurs, pourquoi ce choix ? Pourquoi Alors, ce choix, parce que tout simplement, il me rappelle des temps anciens où... L'amour était partagé par tout le monde, beaucoup plus sécurisé. On était plus en sécurité que cette époque actuelle où l'on vit. Où c'est un peu donc, chacun pour soi. Voilà, ouais, je comprends. Voilà. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais le réécouter. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le partage avec vous. On se retrouve juste après. Mais... Thank you. caprices de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission de Caprices de lecture avec une autrice qu'on ne présente plus dans le paysage littéraire lorrain, Noëlla Cali. Noëlla, est-ce que tout va bien ? Très bien. Alors super, on peut passer à la suite. Oui, pas de problème. Alors justement, Noëlla, vous avez toujours écrit dans des genres différents. J'ai l'impression que vous avez toujours écrit, en fait. Oui. C'est la sensation que vous donnez quand vous parlez de votre travail d'auteur. Oui. L'écriture est un peu, j'ai presque envie de dire, quasi vitale pour vous. Oui. C'est quoi votre moteur quand vous écrivez ? C'est quoi vos petits secrets ? Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous donne la pêche ? Alors, j'ai beaucoup, beaucoup envie de parler. Et du coup, vous écrivez ? Comme j'ai personne en face de moi pour pouvoir parler, eh bien, j'écris. Et vous avez toujours des histoires comme ça dans votre tête ? Tout le temps. Alors, ce qui fait, je suis sur un roman, ce sont mes personnages qui m'entraînent dans l'histoire. Ah. Ce qui fait que quand je me retrouve tous les matins, parce que j'écris tous les matins, je retrouve les personnages et c'est eux qui m'emmènent sur leur chemin. Donc en fait, c'est eux qui vous emmènent dans l'histoire. Ah oui, c'est merveilleux. D'accord, mais en fait, vous quittez notre monde. Quelque part, vous rentrez dans votre imaginaire que vous nous faites partager après. C'est ça. Et il n'y a jamais un matin où vous vous dites « Oh, aujourd'hui, je n'ai pas envie, je suis fatiguée ». Jamais. Tous les matins, vous écrivez. J'ai ce besoin de les retrouver et c'est avec grand plaisir que je me remets devant l'ordinateur. Ouais. Parce que j'écris sur l'aide de l'ordinateur. Okay. Et ensuite, j'imprime et ensuite, je relis. Ah, vous relisez sur feuille. Je relis sur feuille. Pour faire vos coups, pour travailler une syntaxe ou voilà, quelque chose comme ça. C'est ça. Ok. Alors Noëlla Cali, elle se lève à quelle heure le matin pour écrire ? 7h. Okay. 7h, au petit déjeuner. Ah oui, parce qu'il faut prendre des forces. Ah oui, vous avez bien raison. Et puis après, ensuite, je passe à l'écriture. Et pendant combien de temps le matin ? Vous faites combien d'heures d'écriture ? Il faut compter 4h. Ok, donc tous les matins, quoi qu'il arrive, pendant 4h, Noëlla n'est plus là. Voilà, c'est ça. D'accord. Et l'après-midi, relax, promenade dans la nature. Pour se vider la tête. Voilà. D'accord. Petit secret de fabrication. Et est-ce qu'il vous est arrivé, alors c'est peut-être un peu, vous avez le droit de me dire que vous n'avez pas envie de répondre, mais est-ce qu'il vous est arrivé qu'un personnage vous emmène sur un chemin qui n'a pas forcément de suite possible ? Par exemple, voilà, vous écrivez, il y a une intrigue ou il se passe une action et puis au bout d'un moment, vous vous dites, non là, pas du tout, ça ne va pas coller avec le reste. Alors, ça m'est arrivé d'imaginer la fin. Manque de chance, mes personnages m'entraînent ailleurs, effectivement. Hein. Et c'est moi qui les suis. C'est vous qui les suivez, parce que quelquefois, on entend, alors que ce soit à la télé, vous savez, des grands écrivains qui sont traduits en je ne sais combien de langues, qui expliquent de manière très technique, qui font des plans. Ouais. Et puis, il y a tel personnage comme ça. Oui, non, vous, pas moi. Non. Non. Et la preuve que ça marche aussi, parce que 18 livres, je me dis que ça marche très bien de se laisser emmener. Et je me dis, bon, ils ont raison, voilà, je suis leur trajectoire et voilà, c'est pas... Et vous imaginez leur physique et tout ça comme un film dans votre tête. Je les décris, vous pouvez également, les lecteurs, vous imaginer et comme voir. Comme vous les avez imaginés. Voilà. Oh, je trouve ça exceptionnel. C'est ça. Donc vous n'êtes jamais toute seule. Mais voilà, c'est ça. Ah, oh, c'est top. Parce que je supporte pas la solitude. Vous avez vu, alors les auditeurs ne peuvent pas voir mon visage, mais alors moi, je suis fascinée. Parce que c'est génial de se laisser emmener comme ça. Ah oui. Je trouve ça merveilleux. Merveilleux. Ah ouais, c'est bien. Pour moi. Et donc, chaque jour est une nouvelle surprise. Oui. Ah ben oui. Ça, c'est bien. Alors, c'est quoi vos piliers d'écriture ? C'est-à-dire, c'est quoi qui vous donne le... C'est quoi vos fondamentaux ? Donc, vous parliez par exemple de l'ordinateur, vous écrivez dessus. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres pour être bien pour écrire ? Pour justement laisser vos personnages bien arriver et être bien imprégnés de l'endroit où ils veulent vous emmener. C'est quoi ? Est-ce que, par exemple, vous mettez un fond de musique ? Est-ce que... Non, je suis... Voilà, j'ai mon petit bureau que j'ai donc... disposé à ma façon, bien. Oui. Et je suis bien dans le bureau, dans mon bureau. Donc, il est aménagé pour que vous ayez vos repères et que vous vous sentiez bien. Voilà. Ok, ça, c'est ça, vos fondamentaux. Voilà, c'est ça. Ça, c'est chouette. Et la balade l'après-midi, très important. Oui. Hein ? Oui. C'est ça. Oui. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale. Hein, c'est la tradition dans Caprice de lecture, où vous avez choisi un des maîtres du chant, Luciano Pavarotti, pour la Traviata. Oui. Alors, évidemment, un classique qu'on ne on présente même plus, oui, mais qui apparemment a une importance pour vous. Bah, oui, oui, oui, parce que quand j'étais gamine, j'avais un petit phono et hop, ouais, je passais souvent ce... Et est-ce qu'il vous accompagne quand vous écrivez? Est-ce que vous écoutez non, de la musique ou pas? Non, non, vous je suis vraiment, seule avec mes personnages, oui. Ah, ça fait déjà du monde. Ça fait déjà du monde. Eh bien, on se retrouve juste après Luciano Pavarotti. Et après cette coupure musicale, vous nous direz un petit peu, Noëlla, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur, sur les réseaux et puis quelle sera votre actualité donc, de ce mois de février. Avec plaisir. Ouais. Le bianche dolce fremete che suscita l'amore, poiché che l'occhio al cuore onnipotente va. Odiamo, ci invita un fervido accento lusinghiero. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission, toujours en présence de Noëlla Cali, qui est venue nous parler donc de son dernier livre, qui est un conte, qui s'appelle Le Perroquet, mais qui nous a aussi dévoilé un petit peu ses habitudes et ses secrets de fabrication donc, pour écrire. Alors Noëlla, pour cette dernière partie d'émission, est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu où on peut retrouver votre actualité? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes plutôt sur un blog. On a dit tout à l'heure que vous faisiez partie de l'association Plume. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, tiens, de cette association, c'est intéressant. Oui, alors je fais partie de l'association meusienne Plume, okay. créée par Pierre Lombard il y a 11 ans. D'accord. Et depuis, je suis toujours restée fidèle avec eux. D'accord. Il y a combien d'auteurs à peu près, et vous nous savez ? Nous sommes une quarantaine d'auteurs. Quand même. Mais très unis, nous oui. formons une famille, pour ainsi dire. D'accord. C'est une vraie, véritable famille. Et donc, je vais les rejoindre une à deux fois par an, parce okay. que c'est dans la Meuse. Okay. Et donc, c'est des réunions ou des comités où vous vous retrouvez tous ? C'est-à-dire qu'on est tous main dans la main pour faire des animations. Ah, ça c'est bien. Par exemple, dans les collèges, dans les... Ok, hein, d'accord. Et dans les maisons de retraite également, okay. dans toutes... voilà, on va partout où la lecture peut rentrer. C'est ça. Ok. Et ensuite, nous organisons des salons du livre. Ok. Hein, un petit peu dans toute la Meuse, en fait. D'accord. Donc c'est essentiellement la Meuse. Oui. D'accord. Oui. Okay. Ce sont tous des Meusiens, mais moi, j'ai une grande chance. Merci, Pierre. Merci à tous. De c'est m'avoir tous accepté. Tous des Meusiens, sauf moi. Voilà, parmi c'est ça. Vous. Non, mais je leur rends bien parce que c'est vraiment une association oui. formidable. Puis apparemment dynamique. Enfin, tout à fait. Voilà. Je ne critique pas les autres parce que je fais partie également d'autres associations. D'accord. Vosgienne. Et la DIL. Oui. Mais vous dormez ou pas de temps en temps, Noëlla ? Non ? Parce que c'est impressionnant. Oui. Ok. Alors, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un salon donc, qui va se dérouler là, en avril, un salon à Blainville-sur-Lot. Oui. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors, Blainville-sur-Lot, c'est un salon qui est organisé tous les deux ans. Et okay. on m'a demandé si je voulais être la marraine du salon. C'est la première fois que vous êtes marraine d'un Deuxième salon ? Deuxième fois. Je pense que c'est un honneur. Deuxième fois. Oui, c'est un honneur. C'est bien super. Sûr. D'accord. Bien sûr. Et donc, vous faites d'autres salons aussi ? Alors, Saint-Nicolas-de-Port, le 2 février. Oui, ok. Val d'Ajol, oui. le 16 février. Oui. Hein ? On est sur un agenda bien rempli déjà, oui, ça va vite. Oui, et puis ça va venir, oui, il y en aura d'autres. Au fur et à mesure. Oui. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez un blog ? Ou un Facebook où on peut vous suivre. Oui. Alors, Noëlla Cailly Facebook. Ok. Et le blog, c'est Noëlla Cailly blog4.fr. Très bien. On pourra retrouver de toute façon toutes ces informations oui. en podcast. Ouais. Noëlla, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Ouais, je rappelle donc le nom de votre dernier livre qui est un conte, Le Perroquet. Je oui. vous invite vraiment vivement à le lire parce qu'on peut le partager avec tout le monde et à n'importe quel âge. D'accord, merci. Merci beaucoup Noëlla et c'est je vous moi. Dis à très vite pour de nouveaux caprices de lecture. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.